pèse sur nos épaules. Celui qui nous tire nous plaque nos concours. Le roi de l'attraction terrestre qui écrase nos idées, qui attire bien les masses, devient pesant et prospère la valeur des poids de l'or. Et prospère la valeur des poids de l'or. C'est comme ça que c'est dans le site, celui qui vole des soucis. Tout au plus haut. Un poids quotidien que l'on entretient. Les nouveaux riches ont bien gratté